Ah, oui, pardon. Oui, un jambon mayonnaise. Qui a commandé un jambon mayonnaise, là? Oui, monsieur. Bon, il est arrivé. Voilà. Tenez. Merci. Y a-t-il une fille dans la salle qui supporte les cheveux sales? Y a-t-il une fille aujourd'hui qui veuille m'aimer pour la vie? Y a-t-il une fille quelque part qui puisse chasser mon désespoir? Y a-t-il une fille en cet endroit qui va vouloir de moi? Hey! Y a-t-il une fille bien éduquée, une fille qui pourra m'accepter? Y a-t-il une fille aux cheveux clairs, de préférence célibataire? Y a-t-il une fille bien dans sa peau qui voudra d'un homme pas très beau? Y a-t-il une fille en cet endroit qui va vouloir de moi? Hey! Oui. Une fille qui me prenne par la main pour que j'oublie tous mes chagrins. Y a-t-il une seule fille ce soir qui veille de Tony Fonblin? Merci.